attention, please, attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Salut. Je m'appelle David Paquet. David comme David Croquette, Paquet comme Kevin Monet Paquet. Mais tout le monde m'appelle Gus. Sauf mon père. Je suis né le 12 juillet 1998. Et ouais, je fais bientôt mes 20 ans. Pas la peine de vous fatiguer, je suis pas supporter. Hein. Les Verts, la grande épopée de mes deux, le foot et tout le business à D-Nike, la France bleu blanc burst comme trop dégueu Balek. Ma vie, personne va la résumer aux 500 grammes de fringues que j'ai sur le dos, ni à ma coupe de cheveux, ni au tatouage de carpe coy que j'ai à l'intérieur de la cuisse gauche, ni à ma façon de m'exprimer. Personne. Je suis comme je suis. Et si je commence à écrire le journal de ma vie comme la tarlouse moyenne, c'est parce que dans quelques jours j'ai décidé que je vais faire une connerie, et qu'après il sera trop tard pour faire le point, et qu'au fond étant tout, je sais pas trop ce que c'est vu que j'en ai aucune dans mon entourage. À part Pierrick peut-être. Peut-être que Pierrick est gay, j'en sais rien. Il regarde chelou des fois. Tu crois quoi? Que je suis à plaindre? Je suis pas à plaindre. Je suis au KLM. Je suis tranquille moi. Tranquillou. Dans 10 ans je serai has-been comme tout le monde, mais là c'est beau fixe et grande largeur, sérieux. Je veux rien. Alors ça va super. Ta vie, elle foire si tu veux des trucs. Mais si tu veux rien, t'as une petite garantie de réussir quelque chose sans trop te la coincer sous le bras. Moi, quand mon daron il me dit « La vie, tu crois quoi, merdeux, c'est pas la fête, David ?» Moi, je lui rectifie direct qu'on en a rien à secouer si c'est pas la fête, vu que personne n'a dit que ça devait l'être, personne n'a promis. Sur les tables de la loi de la création du monde, y a pas écrit « ça va être la grosse teuf ». Et puis d'abord, j'en ai des fiestas, mon papa. J'en ai. Tous les jours, j'y ai droit. Et c'est pas la seule trouée de lumière dans ma tête de crevard. Alors me fais pas ta pleureuse, papa. Je m'estime verni du derche d'être né où je suis, au pied des bonnes mamelles de Courriot. Je suis dans ma chambre. Je m'allume un spliff et je fais le barbeau devant le miroir. Salut miroir. Dis-moi qui est le plus beau des têtes de con avec son gros blaze gavé de tombou qu'on dirait du chou-fleur à la fin du marché de Carnot. Et je rigole de me voir si moche et beau à la fois. Et je pense à Fatou et à son boulard que le soleil a enfanté un jour qu'il était de bonne humeur. Et je me dis qu'elles sont trop nectar ses fesses. Et j'ai envie d'elle dans la fumée aigre douce et toutes mes fiestas les pires, ses mains dans sa main que je les ai vécues. Sans parler de sa snake de rêve que j'ai marouflé en beuglant comme un fan. Restons polis. Mon père, les Togolaises, il a rien contre. C'est ce qu'il m'a dit quand j'ai ramené Fatou un soir. Il était dans le salon à se cogner la gueule dans le journal qui est plein du ramassis de nos chiens-lits, plein des grèves et de notre foutue incapacité à manger le poisson avec les arêtes sans se niquer la trachée. C'est bon, ça va. De toute façon, on est là pour avaler, papa. Mon daron, il a vu Fatou et la chouma, il a dit « J'ai rien contre les Togolaises. » C'était pour rigoler, David. Allez, rigole. Elle a l'air gentille, ta copine. C'est le principal. Noire, blanche ou verte. Faut qu'elle soit gentille avec toi et que tu sois gentil avec elle. Et je savais pas quoi penser de ça. Comme toujours avec mon vieux. Ma mère, Fatou, elle l'aime bien. Elle la trouve polie et bien gaulée. Sauf le nez, elle me dit, madame. Elle a un vilain nez, dommage. Après, bon, bien sûr, la cambrure est superbe. Et ses parents, ils font quoi dans la vie? C'est parce que je la veux pas vraiment que Fatou reste avec moi. Parce que je la presse pas. Je la laisse tourner dans ma tête comme une chauve-souris autour d'un réverbère en été. Et de temps en temps, on change les rôles, mais pas plus. Alors ça tient. Depuis 8 mois et 14 jours. Elle a 17 ans. J'aime pas qu'elle soit mineure. J'ai hâte qu'elle passe la vitesse supérieure parce que les SRAB, ils me charrient trop. Même si je m'en fous. Même si mes potes, c'est tous des puceaux qui rêvent de banquette arrière. Prof de fitness et je suis en train de me faire former pour être prof de pole dance. En train mais... de me faire former. Les années 80, mon ami, si t'avais vu ça, si t'étais né avant, si on n'avait pas tant tardé, ta mère et moi à jouer à Docteur Maboule, t'aurais su ce que c'était la vie. Oh, la solidarité avait encore un tant soit peu d'avenir. Quand on pouvait encore parler à voix haute sans se faire mastiquer par les cœurs. Des cours de danse sur le poteau. Sur les plateaux télé, David, ça causait pour de bon et de choses vraiment sérieuses. Les invités avaient tous de longs doigts jaunes coupés par des gitanes ou rouges. Et bordel, mais si t'avais vu Coluche avec sa plume dans le cul ou de verre dans Série Noire. C'est qu'un jour on a envie de faire du sport. Est-ce que tu l'as vu finalement? Je t'avais dit de le mater ce film. Mais t'en as rien à secouer, pas vrai? Enlever les vêtements, enfin il faut être. Tu préfères t'afficher Firo dans le quartier avec ta doudou et le bonheur à Thalès comme le chien qui ressemble à son maître? C'est bien, t'as raison, sois heureux! Fais semblant! Sacrifier la société de consommation qui nous oblige. Laisse tomber de verre, tu comprendrais pas. Y'a rien à comprendre, tout est plus triste, tout est plus moche, tout est plus foutu qu'avant. On s'était déjà foutu. Je sais pas pourquoi je te dis ça, David. Sûrement que chaque génération fantasme l'échec de la suivante pour mieux encaisser sa propre défaite. Je le sais, je suis pas con, David, je suis garagiste. Mince. Allez, rigole, on peut même plus faire de blagues, tellement t'as le désespoir collé à ta tronche comme un masque de Mardi Gras. Depuis que tu tires ton coup, t'es sérieux comme un pape. Tu me parles? Non. T'es sûr? Non, non. J'étais concentré sur la télé, excuse pas. Je peux fredonner comme David Cameron. Tu fredonnais quoi? Je sais pas non plus. Maman rentre à quelle heure? Ces jours, c'est tout le temps tard. C'est lourd pour elle en ce moment. Ah, les keufs, ils pètent tous un câble. J'ai vu des vidéos, c'est la hesse. Je peux te réchauffer une pizza? Ok. Tu veux une pizza? Ah ouais. T'es sûr? Tu me l'as proposé? Bah, j'espérais que tu me dises non, tu fais chier. Si, j'en veux une. À l'avenir, faut pas proposer, c'est tout. L'avenir est l'idée la plus abstraite que Dieu ait eue, mon fils. Même la peinture abstraite est moins abstraite que l'avenir. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est que après il y a des danses du lap dance quoi en gros où on se frotte la barre, pas forcément de mouvements acrobatiques. Il n'y a pas d'autres? Moi j'ai vraiment des mouvements où on se traque. J'aime pas les anchois. Laisse-les-moi. Tu vas pas manger que des anchois. C'est bon les anchois. Fais-toi une soupe. Naki, je ne peux plus le voir. Avant, je l'aimais bien au début des années 90. Maintenant, je pourrais lui coller une clé à molette dans le front à ce connard. Faut rester calme, papa, digne. C'est ton mot, ça, même les jours de pluie. C'est toi qui me l'as dit. Je t'ai menti. Quoi? Je t'ai menti sur toute la ligne. Alors, faut faire quoi? Faut tout brûler. Hein? Faut tout brûler. Mais arrête tes conneries, tu pars en quicherine, papa. Fais-nous cette pizza, allez. Je pars en quoi? En couille. Ah ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que t'as? Faut tout brûler, je te dis. Bah, je vais te prendre au mot, papa. Je t'autorise. Quoi? Prends-moi au mot, mon fils. File-moi ton briquet. Tiens. Et maintenant? Console-moi. De quoi? Bah, console-moi, c'est tout. Je l'ai eu, mon CAP de peintre applicateur de revêtement. Sans me forcer, franchement, c'était le Barça. Je peux te poser un papier peint sans que ça bulle, sa mère. Je peux te faire une terrasse ou une façade, nickel. Ta moquette aussi, je peux m'en charger. Sans rire, j'ai tarpin de qualité dans ma branche. Mais je trouve pas de taf. J'en cherche, j'en trouve pas. J'ai été poser mon curriculum dans les intérims, ils ont enregistré mon dossier et j'attends qu'ils m'appellent. Mais Nib, des fois je me dis que c'est parce que je suis pas resté chez Ribeiro. Ribeiro, j'y ai fait 6 mois et je me suis tiré en lui claquant la gueule. Parce qu'il m'exploitait comme si je sortais du Mozambique, faut pas déconner. Je suis sûr que ça me pénalise d'avoir claqué la gueule du père Ribeiro. Ok, je prépare le petit message. On va faire la grève impeccable, allez. Ok Pedro. Comment tu m'appelles? Bah Pedro. Pedro. Vous vous appelez pas Pedro? Avec quel sapeau de foot qu'on m'appelle Pedro? Tout le monde vous appelle Pedro? Mais tout le monde sauf toi, c'est clair? Pourquoi? Parce que... Ok. Ok qui? Ok monsieur Ribeiro. Rendu de glissage, ragréage et après? Et après je... Après on laisse sécher. Tu laisses sécher et après? Ouais, c'est moi, je connais mon métier monsieur Ribeiro. Oh écoute Paquet, moi ma boîte elle a 25 ans, et c'est pas le mien à la base, tu sais ce que ça veut dire hein? Oh je te parle là, tu sais ce que ça veut dire? Moi je t'ai donné ta chance parce que je connais ton père. Mais tu m'appelles pas Pedro, ok? On va pas garder les cochons. Merde, on n'a pas gardé les cochons! Ok, monsieur Ribeiro. J'ai du respect pour ton père, j'en profite pas! Ok! Ok, qui? Ok, Pedro! Quoi? J'ai dit ok, Pedro! Oh putain! Mais qu'est-ce qu'il y a, Pedro? On dirait que t'as avalé un os de morue? Oh putain de merde! J'en ai marre de ta façon de me parler comme si j'étais un goliot de banlieue invité par le président de la République! Mais je t'en mets plein la gueule, toi! Foi cacheirinho, outro rim, tim, tim, tim, as pernas feias. Ma mère, elle est assistante sociale pour la police nationale. Elle console des flics à longueur de journée. Elle les empêche de se mettre une boulette dans le citron en tirant une gueule de bulldog français devant le récit pathétique de leur journée de merde à se faire chier dessus défiante épaisse. Plus personne supporte les keufs. Charlie, c'est fini. Ils le savent. Ils vivent avec des remorques de désillusion et il a peur de se faire planter à la sortie du turbin par un fanatique. Ils ont des vies de merde, eux aussi. Alors ma mère leur parle avec ses trucs de psycho à 2 balles et elle s'en rend même pas compte, mais elle les laisse la contaminer. Quand elle rentre, on dirait qu'elle a couru un marathon avec vent contraire. Elle a toujours cette phrase, ma mère, quand elle ouvre la porte de la maison le soir. Salut la compagnie. Salut la compagnie. Mon père et moi, on se regarde. Salut la compagnie. Je me suis dit qu'il était temps d'écrire tout ça. Ce qu'est ma vie depuis la sortie des études avec mon CAP, depuis ma rencontre avec Fatou, depuis que je suis devenu ce qu'on appelle un adulte. Je me suis dit que ça me permettrait d'y voir plus clair dans ma boule de cristal qui est genre gavée de grumeaux qui font que je m'emmerde chaud. Quand j'étais petit, j'écrivais des poèmes, il paraît. Comme quoi, ça sert à rien. Une chose que j'ai oublié de dire à propos de ma mère, c'est qu'elle ressemble énormément à Michel Thor. Bon, les gars de mon âge connaissent pas Michel Thor, moi je la connais parce que ma mère lui ressemble. Si ma mère lui ressemblait pas, je pense que je la connaîtrais pas. Allô? Salut. Salut. Ça dit quoi? Rien, et toi? Pas charrette. Pourquoi tu m'appelles? Bah pour rien, t'entendre. T'es gentil. Tu viens ce soir? Je peux pas. T'es chez ta mère? Non, chez mon père, je bosse mon français. C'est sur quoi? La mythologie. La prof, c'est une dingue, je te jure. Quand elle part, t'as l'impression qu'elle fait avec des dieux toute la journée. Elle est là, elle a un chat, elle l'a appelé Zeus. Mais bon, je la kiffe tellement que ça va, j'ai pas le seul. J'aimais bien la mythologie quand j'étais en CAP. Vous faisiez de la mythologie en CAP? Ouais, je collectionnais les vignettes Panini pour mes albums de foot. C'est pas de la mythologie, ça? Arrête, t'es con. J'aimais bien le foot à l'époque. Après, j'ai compris qui c'était qui courait. Une limousine, tu sais qui c'est? Elle bosse pas au KFC de la Talaudière? Non, c'est une déesse. Ah, je déconne, je savais que c'était une déesse. C'est la déesse de la mémoire. Ouais, je le savais, mais j'avais oublié parce qu'à chaque fois que j'essaie de me souvenir de son nom, elle l'efface. Limousine, c'est la fille d'Uranus et de Gaïa. C'est elle qui a inventé les mots. Sans elle, les choses n'auraient pas de nom. Pour désigner un objet, tu serais obligé de le dessiner ou de pointer du doigt en poussant un petit cri. Comme des Goliots. Sans mnémosine, je pourrais pas dire que j'ai envie de toi. Ah bah non, c'est sûr. Bon. Et t'as envie de moi? Sans mnémosine, je pourrais pas te dire que mon string est couleur lila. Je te dirais un truc du genre ougue, ougue, bing. Je comprendrais rien du tout. Ah, ce serait dommage. DME? DME. Et toi, tu fais quoi ce soir? Je regarde un film que mon père m'a filé. Il me dit que c'est bien. On se voit demain chez Majid. Merci de m'avoir aidé à réviser. On se voit? J'arriverai tard, mais je passerai, je pense. Ok. Je t'embrasse là où tu sais. Encore? Les dieux m'attendent. À chaque fois qu'on s'appelle, c'est devenu un jeu entre elle et moi. Elle me colle une DME, demi-molle exploitable. Et je m'assois dessus. Cette fille, elle est au top. J'aimerais bien qu'elle m'emmène au Togo un jour. Je dis ça, mais je crois qu'elle n'y a jamais foutu les pieds au Togo, Fatou. Merde, je crois que je lui ai jamais demandé. Pourquoi moi? Je t'aime, Mona. Je t'aime tant. J'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'aime. I said I'm deep and I'm fired up. All I want tonight is just get higher. Yeah, you look so good, it's the die for. Ooh, that pussy good, it's the die for. Qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais frapper avant d'entrer. T'écris quoi? Rien. C'est quoi ce carnet? T'as un journal intime? N'importe nawa que journal intime, intime de quoi? J'écris, c'est tout. C'est mes mémoires. Tes mémoires? Ouais, mes mémoires. Mais comment ça, tes mémoires? Bah, mes mémoires. Ce que je vis, ce que j'ai vécu. Mais enfin, Gus, il faut... Des mémoires, il faut être vieux pour ça. Ah bon? Bah ouais. Bah alors, je suis vieux. Tu te sens mal? Mal quoi? Tu te sens triste? Faut être triste pour écrire. Écoute, mon chéri, tu vas retrouver du travail, c'est sûr et certain. Tu te donnes assez de mal, perds pas confiance. En attendant, t'es pas si mal ici, hein? T'es chez toi, t'as le temps, t'as tout ton temps. Faut continuer de chercher. Et en attendant, faut t'occuper. Mais je m'occupe, maman. En écrivant tes mémoires. C'est ça. Mais ça va? Ça va. Bon. Papa m'a donné un briquet. Pourquoi faire? Il m'a donné un briquet et il m'a dit, faut tout brûler. Il t'a dit ça? Et plusieurs fois, faut tout brûler, en me tendant un briquet. Tu l'as pris? Ouais, je l'ai pris. Et tu comptes faire quoi? Je compte finir d'écrire ce que je suis en train d'écrire. Et après? J'irai déposer un nouveau dossier à l'intérim. On va partir en vacances cet été. J'en ai parlé avec ton père, il en a besoin et il est fatigué. On part où? Chez Walid et Brigitte. Ils sont où, eux, déjà? En Bretagne, au bord de l'océan. Ça nous fera du bien. Je suis obligé de venir. Tu peux emmener Fatou, si tu veux. Je peux emmener Fatou? Je peux les lire, tes mémoires. Je pense pas que les écrivains écrivent pour leurs parents. Ah, t'es écrivain, maintenant. Quand j'écris mes mémoires, je suis écrivain. Très bien. Si j'ai pas envie de le voir, l'océan, je peux rester là? T'as 20 ans, Gus. T'es un homme. Tu fais ce que tu veux. Je relis ce que j'ai écrit. Je pense à la Bretagne. J'y suis jamais allé. Je me demande comment c'est. Je tape Bretagne dans Google. Je vois des plages et des clochers, des récifs et des bateaux. J'imagine Fatou allongé sur le sable, genre sur un paréo. Son dos est nu et le soleil essaie d'y entrer, mais c'est moi qui ai la clé, espèce de blaireau. DME. Yo, Fitz. Yo, Gus. Baston au parking à 22h. Eh, Marwan et Sanko, ils vont grave se mettre sur la gueule. Ça va être ouf, gros. Allez, vas-y, viens. Ok, je vous rejoins. Bah, où tu vas? Je sors. Je peux savoir où? Chez Fitz. Ta mère m'a dit que t'écrivais des trucs. Ouais. C'est bien. Quoi, c'est bien? Bah, t'écris, c'est bien. Les cons, les mots, ils connaissent pas. Si tu le dis. Fais attention à toi, hein. Eh, hey, je l'ai vu ton film. Série noire, ah bon? Et alors? Ton but dans la vie, c'est quoi, papa? Me mettre le seum jusqu'à la fin de mes jours? C'est gagné, sérieux, il est trop glauque ton film. Moi, je serais jamais représentant de commerce. Et je suis content de pas être né dans les années 80 avec genre des Renault 12 toutes pourries dans les rues, laisse tomber. Ah, le seul moment que j'ai bien aimé, c'est quand il se frappe la gueule dans la bagnole. On dirait qu'il se frappe vraiment la gueule. Mais il se frappe vraiment la gueule? Bah, ça, c'est bien, par exemple, ça sauve un peu. Mais le reste, ça t'a mis le seum? À fond. Ok. C'est pas grave, hein. Mais t'as bien aimé les coups de tête? Ouais, ça se soulage. Ça soulage qui? Bah nous. Les MC ne sont pas qu'à taper, à raconter vos vies, t'as un fait dans le ghetto. Et tu feras jamais rien parce que t'es une talpée. Je m'arrache. Écouteurs sur les oreilles, le statu quo de Salif, gros son. 2010, j'étais encore qu'un gosse. Je préfère le rap d'avant, moi. Salif, il a rien sorti depuis l'album Qui m'aime me suivre. Il a dit fuck au rap game, il a ouvert un grec, une sandwicherie, je sais pas où. Il me tient compagnie tous les jours, moi je le suis. La nuit est tombée sur la cotonne. Les rues, les bars, les lotissements. Un emballage de kebab dans le caniveau avec la dernière frite qui restait collée. Ça zone un peu sur les trottoirs, quelques ombres à veste zippée ou blouson customisé, deux gadgets assez moches, une binouse à la main et de la tisse plein la voix, des vieux rebeux qui rentrent, des sacs plastiques au bout des bras. Marwan, je le connais depuis la maternelle, je l'ai vu se battre 10 000 fois pour des raisons jamais trop propres. À chaque fois, il leur met la sermio comme il les fracasse trop, franchement, il y a du sang. Je crois qu'il aime ça, Marwan. Mes meilleurs films, je les ai faits avec lui. Des fois, il balance le poing dans la chevron du mec, en même temps, il claque un smile à mon bigot. Marwan, c'est Jackie Chan de synthé, franchement, c'est Kung Fu Panda. Je sens l'adrénaline envahir mon cœur à mesure que j'approche du parking. Entrée par la sortie de secours, porte entrouverte, odeur de pisse, béton noir, escalier. Les straps sont déjà là. Check appuyé avec Fids, Marwan, Lagdar, Miguel et Boss. Vanda est là aussi, avec son sac à main Guess qui brille au milieu de tout ça comme une étoile perdue. Je lui fais la bise, elle sent bon. Ouais. C'est la meuf de Marwan, ça fait genre 6 mois. Non, il m'a rien dit, son coup, il m'a rien dit. On attend Sanko. C'est pour ça que tu veux le marave? Je sais pas, mais franchement, il mérite trop de se prendre une bonne branlée. Regarde mal. Regarde mal, tu le crois, t'as l'impression de passer sous un mirador, je crois à Guantanamo, quoi. Ouais, ouais, t'as raison. J'ai mal dit, j'aurais jamais dû manger un coup avant de venir, mais ma mère, tu peux rien lui dire. Sanko raboule sa gueule. Avec lui, Abdoulaye, Sylvain, Moumous et Kish. Ça se pose contre les murs pour regarder et filmer. Moumous me sourit, alors je lui souris. Je crois bien que c'est des vrais sourires, ça fait bizarre. Je comprends pas trop, je le kiffe moyen, Moumous. Il pue de la gueule, il bicrave de la merde et il écoute Booba, cette espèce de Jackie. Mais il me sourit et moi, comme un schpounz, je fais pareil, avec gentillesse. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, la gentillesse? Je peux pas le saquer, Moumous. Bon, ça finit juste. Allez, c'est parti. C'est parti, yes. Marwan se mange un coup de boule phénoménal de Sanko. Il tombe au sol, L'arrière de son crâne marque le béton noir du parking. Sanko balance un coup de pied dans le ventre de Marwan. Un dernier coup de poing dans l'œil gauche de Marwan alors qu'il est couché. Il réarme. Frappe. Réarme. Frappe. Vas-y, tirez-vous, tirez-vous. On s'est quittés, les mecs et moi, à la sortie du parking. On pouvait plus parler. Rien qui sortait. On revoyait la scène en boucle. On était assommés. Des petits garçons. Je suis rentré, je marchais vite. Je pensais à Marwan, à Vanda, à leur amour quand même vachement respectable. Chez moi, mes vieux dormaient déjà. J'ai bu un verre d'eau dans la cuisine. J'ai mangé un bout de fromage avec un cracker. Et puis une pomme. Dans ma chambre, j'ai enlevé mes baskets, mes fringues. Je me suis mis en calbut. Un œil sur ma carpe koi. Et j'ai éteint la lumière. Dans le noir, j'ai revu la vidéo. La vidéo de mon pote en train de se faire éclater la gueule. Je l'ai revu plusieurs fois. C'était super violent. Sur mon blog, j'en ai dans les 150 des vidéos comme celle-là. Je trouve ça cool. J'ai un paquet de vues. Mais là, ça coince. Et mon sentiment, pas possible de lui donner un nom. Alors je pense à Mnemosyne. Qui à part elle pour mettre un mot sur mon cœur? J'ai pas mis la vidéo en ligne. Je la mettrai jamais. Je l'effacerai. Je l'efface, l'Archouma. C'est fait. Je peux plus voir ça. Je veux plus voir ça. Texto à Fatou. Quand est-ce qu'on brasse du love? Je crois que j'ai choisi la connerie que je vais faire. J'ai hésité entre plusieurs. Maintenant, je crois que je sais quelle connerie. Yo, Fitz. Je te dérange? Ah, j'étais en train de filer un coup de main à ma mère, elle vient de rentrer des courses. T'es au courant pour Marwan? Il est sorti de l'hosto? Je suis pas au courant. Mais de quoi? Arrête, tu me fais trop flipper. Il a perdu son œil gauche. Quoi? Son œil gauche, il est die. Il est borne, quoi. Je te crois pas. Vu d'œil gauche, fini. Comme le pet, fait chier. Mais il peut conduire un poids lourd avec un seul œil? Bah non, je crois pas. Putain. Il va falloir qu'il se reconvertisse alors. À fond. Ah, j'y crois pas. C'est la triste vérité, mon frère. Marwan est borgne. Il a raccroché là-dessus. C'est la triste vérité, mon frère. Marwan est borgne. J'allais mettre ça dans mes mémoires, en demandant à Mnemosyne s'il était possible de changer un mot en un autre mot. J'en remplaçais borgne par heureux. Mais je la trouvais bizarre, cette phrase. C'est la triste vérité, mon frère. Marwan est heureux. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu viens m'aider, oui ou non? J'arrive. Tu manges ici, ce soir? J'ai rendez-vous avec Fatou chez Majid. Elle va bien, la mère de Majid? J'ai entendu dire qu'elle avait des soucis de santé. Je sais pas. Bon, les briques de lait, tu peux les ranger dans le garage et les bouteilles de rosé aussi. Elle dort ici, Fatou? Majid, il fait les meilleurs sandwichs du quartier. Son shawarma, c'est les mille et une nuits. On se retrouve souvent chez lui pour regarder les matchs de foot. J'en profite pour lire les actus sur mon bigot ou les petites annonces de cul dans les gratuits. Ça me fait marrer. Je crois que ma connerie, c'est pour ce soir. À l'orée de la nuit. Comme on dit. Je pense à Marwan et son œil brisé. J'ai pas envie d'attendre, va savoir quel moment idéal qu'il est jamais. J'irai le voir demain à l'hôpital, Marwan, et je lui dirai « J'ai fait une belle connerie. » Salut. Ah, quand même. Je t'avais dit que j'arriverais tard. T'es trop belle. Merci. T'es tout seul? Ah, les mecs sont pas restés. Ça va? On encaisse. C'est dur. Bon, j'ai lu ton texto, j'ai... Lequel? À propos de Marwan. Ouais. Quoi? Quoi? C'est drôle, on dirait que t'as pleuré. T'as pleuré ou quoi? Oui. Ouais, je suis trop content de te voir, je te jure. Ouais. Pas toi? Si, bien sûr. Mais ça va, t'es bizarre. Ça te fait rien que ton pote soit à l'hosto? Si, bien sûr. Alors pourquoi tu souris? Mais parce que t'es là, c'est le Barça, c'est tout, je souris. Puis j'ai choisi quelle connerie j'allais faire et je crois que c'est la bonne. Alors ça me fait sourire. Quoi? Quelle connerie? Rien. J'ai décidé de faire une connerie. Genre? Genre une super connerie. Je peux savoir? Tu vas savoir. Quand? Maintenant. Majid, tu peux nous servir le gâteau? Quoi? Quel gâteau? J'ai demandé à Majid d'acheter un gâteau. Pourquoi faire? T'as pas envie de manger un bout de framboisier? T'adores les framboises. Framboisier? Bah, c'est bon les framboisiers. Gus, il se passe quoi là? J'ai un truc à te dire. Moi aussi. Ah bon? Ouais. Je commence? Je veux savoir ce que c'est que cette connerie que tu veux faire. Ah, je suis en train. En train de quoi? En train de la faire. En me proposant de bouffer du framboisier? Et en te demandant en mariage. Quoi? C'est pas une connerie, hein. C'est une façon de parler. Enfin, Némosine, elle dirait ça autrement. Elle appellerait ça une déclaration. Elle est précise, elle. Voilà, je te précise. C'est ma déclaration. Ça te dit quoi? Tu pleures? Mais t'es heureuse ou pas? Fatou, tu pleures ou quoi? On sait jamais avec les larmes. Mais Fatou, ça va? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais c'est pas pour te mettre la pression, mais maintenant que Marwan a perdu son œil, je me dis que tout est vachement fragile, tu vois, on n'a pas grand-chose à nous, alors pourquoi ne pas écouter, toi et moi, la mélodie de l'éternité? La mélodie de l'éternité? L'orage de printemps? Le pas sur la lune? L'or du tournesol? Une fenêtre toujours ouverte? La miséricorde au bras radieux? Les eaux bleues de l'étang. Non, mais j'ai chopé ça dans des bouquins, j'avoue, mais il me fallait une déclaration potable, merde. Arrête de pleurer, c'est gênant. Magite, c'est bon, occupe-toi, c'est bon, je gère. Fatou, écoute-moi. Moi, je t'aime vachement fort, je suis franc, alors je te le dis, même si t'as que 17 ans, c'est envisageable, c'est réalisable. Moi, j'ai jamais rien voulu jusque-là, mais l'autre jour, quand mon père m'a donné ce briquet et qu'il m'a demandé de tout brûler, j'ai pensé, elle, je la brûlerai jamais. Et je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir une fenêtre, tu vois, l'ouvrir en grand. Oh, Gus. Quoi? J'aimerais tellement éviter de te briser le cœur. Quoi? Je vais te briser le cœur. Tu veux pas te marier avec moi? Moi, je t'ai venu pour te dire que c'est fini, Gus, toi et moi. C'est fini, carrément over, tu vois. C'est fini. Non, mais attends, c'est ça, mais c'est que parce que je t'ai demandé ça. Non, mais attends, laisse tomber, c'était une connerie. Voilà, je savais que c'était une connerie. On est d'accord là-dessus. On oublie, oublie ça, Fatou, oublie. Excuse-moi, je retire tout. Mange ton gâteau et on se détend. C'est pas ça. Ça rend les choses pires, c'est tout. Mille fois pire, alors que c'était déjà pire que tout, Gus. Moi aussi, je voulais te dire un truc, parce que quand même, je suis réglo, et pas du genre à gérer tranquille des situations péraves. Mais quelle situation? La nôtre. Mais depuis quand il est pérable, notre situation? Tu dis quoi, là? Depuis un mois. Un mois? J'ai quelqu'un d'autre, c'est tout. T'as quelqu'un d'autre? Ouais, quelqu'un d'autre. Un autre mec? Ouais, un autre mec. Depuis un mois? À peu près, je sais pas. Je suis désolée, Gus. Parce que je tiens vachement à toi, t'es gentil. Mais on commande pas son cœur, il bat tout seul, tu vois. C'est qui? Bah... Marwan. Quoi? Je te l'ai dit. Marwan? Ouais, Marwan. Mais n'importe quoi que Marwan il sort avec Vanda. J'étais pas au courant. Mais je te crois pas, moi. Putain, tu dis ça parce que tu m'en veux pour t'avoir demandé en mariage alors que t'es mineur. Tu m'en veux parce que je te fous la pression, mais... Fatou, oublie, enfin, oublie, ben, je te dis. J'étais vite fait, je te dis. C'est écrit, c'est tout. Moi, je m'en fous qu'il ait perdu un œil. T'as baisé avec lui? Ben ouais. Beaucoup? Un peu. Un peu? Une dizaine de fois, je dirais. Je regarde le framboisier qu'on n'a même pas encore goûté. Qu'on ne goûtera jamais. Je pense à Mnemosyne. Elle me coupe la chic, cette bâtarde. Il n'y a plus un mot dans ma bouche. Fatou se lève. Elle redit un truc que j'entends même pas. Elle disparaît en essayant de me caresser la main comme on réconforte un cancéreux. Toutes mes fiestas se tirent du kebab de Majid. Toutes, sans exception. Je suis le garçon à la poitrine brisée. Point barre. Je pense à Fatou, Marwan, Vanda, les srabs, le parking, les bastons, la mélodie de l'éternité, l'orage de printemps, le pas sur la lune, l'or du tournesol, une fenêtre toujours ouverte, la miséricorde au bras radieux, les eaux bleues de l'étang, fuck tout ça. Moi je suis écrivain, bande de tocards mythos. Moi j'écris mes mémoires. Moi je vous fous tous la gueule dedans. Vous y êtes tous et je vous emmerde. Enfumez-vous les uns les autres, rien à secouer moi, j'écris mes mémoires. Moi je suis un écrivain si je veux, je conduirai jamais une Bugatti Chiron là, j'ai pigé ça assez vite, hein. J'ai assez vite pigé que ma vie serait pas en 16/9. Je m'en fous. Parce que moi cet été, je vais me la couler douce en Bretagne et je me taperai une bretonne, c'est tout, c'est écrit. Je ramasse mes dents et je prends la nuit comme elle vient. Qu'est-ce que j'ai? Hein, j'ai quoi moi? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qu'on m'a laissé? J'ai les chansons de Salif, les dossiers intérim, mon nom dans des fichiers, mes vidéos de baston, des potes, des faux potes, Fitz Marwan. J'ai mon bicraveur, ma carpe-coil sur la cuisse, le père Ribeiro avec sa grande gueule, les nuits avec YouPorn qui te flingue la rétine, mes DME, les retours tardifs de ma daronne à la maison, l'oreille pleine de plaintes, mon daron quand il m'appelle Davy comme un fanatique parce que ce prénom c'est lui qui l'a choisi, les rues de la Cotonne, les mamelles de Courriot, la neige sur Saint-Thé l'hiver avec le chaudron qui fait monter son cri, un briquet vert, le putain de briquet de mon père, le sourire de Fatou que je verrai plus que pour le maudire, mes mémoires dans un carnet qui a plus de pages, Mnemosyne Hassoul. C'est pas moche la Bretagne, au calme. Je suis là depuis dimanche. Mes vieux se détendent, ils se redonnent la main quand on va faire un tour. D'habitude, c'est pas le cas. Moi, je marche tranquille, des heures, sans causer à personne. J'essaie d'entendre la mélodie de l'éternité. On doit bien la jouer quelque part. Les chevaux galopent sur la plage du Bilou. J'ai pas encore trouvé une seule bretonne potable. L'été, les bonnes bretonnes, elles doivent se tirer sur la Côte d'Azur. De toute façon, je vais pas me voler la face, tout est un peu foutu chez moi. Je me déplace plus en ma petite cuillère pour me ramasser régulièrement. Je me dis quand même que j'ai bien fait de choisir cette connerie plutôt que les deux autres. C'était une belle connerie. Une belle connerie. C'est beau les plages. C'est triste, mais c'est beau. Quelque chose m'arrivera, je suis sûr. Un jour quelqu'un me dira, t'es bien toi, t'es un mec bien. Quelqu'un me trouvera bien. On ira chez Magide et je lui paierai un bon framboisier. Sur la vie de ma carpe. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. La rue artérielle limite le décor. C'était L'Homme Libre de Fabrice Melchior. Réalisation Christophe Hoquet. Avec Hector Manuel, Julien Eguerix, Sophie Catani, Rose Martine, Dan Artus, Zachary Laurent et Souleymane Silla. Avec les voix de Lucas Borzikowski, Thomas Harel, Louis L., Paul Gaillard et Alice Gozlan. Prise de son, montage, mixage, Éric Boissé, Éric Villenfin et Maël Onave. Bruitage, Sophie Bissens. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Conseillère littéraire, Caroline Roisana. Remerciements au kebab, le bouquet de Versailles. L'Homme Libre est publié chez L'Arche Éditeur. On pilonnait les mots. J'ai limé de mes mains le creux des évidences. Des mots calaminés crachent des hauts fourneaux. Mes yeux d'acier trempés inventent le silence. Je me saoule à New York et me bats à Paris. Je balance à Rio et ris à Montréal. Mais c'est quand même ici que poussa tout petit cette fleur de grisou à tige de métal. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville où la rue artérielle limite le décor. Les cheminées d'usine ululent à la mare. La lampe du gardien rigole de mon style.